C'est pour toutes les personnes que j'ai pu connaître au lycée. Je n'étais pas d'ici, ma vie je la définis comme une odyssée. Sur le chemin de mon avenir, je suis ma voie. Ici chacun la sienne, au fond tu vois, c'est chacun pour soi. L'année prochaine, beaucoup partiront de leur côté. D'autres arriveront, tu connais la suite, tout aura bien changé. Les souvenirs resteront intacts, mais d'autres non. Moi j'ai choisi le rap pour qu'après ma mort reste mon nom. Je sais bien que ces musiques ne plaisent pas à tout le monde, mais je suis dans le vrai, que les faux n'essaient pas de me répondre. Le directeur a raison, on est ici pour le bac, ouais. Je ne finirai pas en prison, mais ce que j'ai besoin c'est du rap. C'est pour Lyrics, Bouddha, Poudbor, Nanas, Marilou, Adèle, Enzo, Zaha. C'est pour Titou, Alex, Hugo, Maclas, Latikoun, Gaufrette, Boto et Stan. C'est pour toutes les personnes de ce bahut qui m'entoure, à tous ceux qu'on se dit bonjour, à tous ceux qu'on voit chaque jour. C'est pour les gens qui ne me connaissent pas ou qui ne m'aiment pas. Peu importe aujourd'hui, on est tous réunis dans la même place. C'est la journée classe et c'est à vous tous que je dédicace. Pas de malentendu, j'essaie simplement d'être efficace. Vis chaque instant de ta vie comme si tu devais mourir demain. Parfois je me demande, est-ce que j'ai fait tout ça pour rien? J'essaie de faire les choses bien, d'avancer dans le même chemin, de rester toujours le même et de représenter chaque jour les miens. Je vois que le temps passe vite et que mon avenir reste instable. Je voudrais l'amour et la musique, deux choses indispensables. C'est pour Marine, Didou, Amo, Pascotte, Émilie, Soso, Chloé, Charlotte, Elisabeth, Lucille, Cerclé, Patronne, la première ES3, Mathieu, Elliot, Jérôme. C'est pour tous les gens que j'ai pu connaître au lycée, ouais. Je vous remercie tous, ouais, pour ces trois belles années passées. Je ne pourrai pas citer tous vos noms, pardonnez-moi. Que tu m'appelles Faki, James ou Patron, je ne t'oublierai pas. Je remercie toutes les personnes qui ont toujours été là pour moi. Certaines m'ont perdu de vue et d'autres sont toujours là. Je n'assure pas toujours, mais je fais ce que je dois faire. C'est vrai qu'après tout, chacun s'occupe de ses affaires. Comme disait Lyrics, ton avenir t'appartient. Mais il ne faut pas être sûr de soi, les choix ça va, ça vient. Maintenant ouvre tes oreilles et laisse-toi aller, ouais. Ouais. Cette chanson est pour vous, pour notre dernière année. C'est pour Romain, Rémi, Guillaume, Mali, Olivier, Arnaud, Bastien, Soline. C'est pour Harold, Camille, Cassie, Sally, Emmanuel, Anaïs et tout Orbini, ouais. C'est pour notre dernière année, ouais. C'est pour tout Orbini, ouais. Fakir. Enfin,